Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. Quatrième émission. Samedi 28 juillet 1945, toujours la sixième audience. À la barre, non pas un témoin, mais un magistrat. Et un magistrat qui ne vient pas directement pour le procès Pétain. Il s'agit du président Caousse, 67 ans, ancien président de la Cour suprême de justice de Rion. Il a demandé à venir pour se plaindre des déclarations faites la veille par Léon Blum à l'audience. J'ai demandé à la haute cour de vouloir bien m'entendre parce qu'il m'a été rapporté, et j'ai lu dans les journaux, entre autres dans le journal populaire, des attaques qui ont été dirigées avec vigueur hier à votre audience contre les membres de la Cour de justice. Vous voulez dire contre toute la magistrature? Et contre toute la magistrature. Il m'a semblé nécessaire de venir apprendre à la haute cour certains faits qui sont ignorés et qui, je crois bien, changent entièrement la physionomie des attaques qui ont été dirigés contre nous. Monsieur Blum a déclaré « Ils ont accepté de juger des condamnés. S'ils étaient allés jusqu'au bout, ils auraient condamné pour respecter leur serment de fidélité. » Monsieur Blum est très mal renseigné. Les juges de la Cour suprême de justice de Rion sont parmi les seuls magistrats en France à n'avoir pas prêté serment de fidélité au maréchal. La Cour a été installée au mois d'août 1940. Les magistrats ont prêté serment selon l'ancienne formule du serment. La loi instaurant un serment de fidélité au maréchal... À la personne du chef de l'État. Excusez-moi, je n'ai pas pris le temps de relire le texte. À la personne du chef de l'État, cette loi date d'août 1941. On n'a pas demandé aux magistrats de renouveler leur serment. Il n'y en a qu'un qui a prêté serment. C'est moi. Puisque j'ai été nommé en septembre 1941. Cela ne m'a pas gêné, car il était bien simple pour un magistrat digne de ce nom de penser et de dire aux accusés, ainsi que je l'ai fait, les décisions prises contre certains d'entre eux. Qu'importe que l'on ait ajouté cette formule. J'ai été un digne et loyal magistrat, comme l'exige le serment. À l'ouverture des débats, j'ai posé ce principe. La Cour était libre de ses décisions. Elle n'était en rien gênée par aucune des condamnations qui avaient été prononcées par le maréchal. Personne ne peut affirmer que les juges auraient condamné les accusés si le procès n'avait pas été suspendu. Et enfin, quand on a voulu faire dire au tribunal que la France était responsable de la guerre, nous y sommes refusés. Nous vous remercions, Monsieur le Président, pour votre déposition qui a été très claire et très courageuse. Je voudrais ajouter un mot, Monsieur le Président. Je félicite les magistrats de Rion de ne pas s'être associé à cette trahison qui consistait à dire « Nous punissons des hommes qui sont responsables de la catastrophe qui s'est déchaînée sur le monde. » Je suis persuadé, Monsieur le Président, étant donné ce que Monsieur le Procureur Général vient de dire sur la cour de Rion, qu'il profitera de cette circonstance exceptionnelle pour démentir publiquement la rumeur qui a couru tout Paris, au terme de laquelle il aurait sollicité de faire partie de la cour de Rion. Mais c'est une infamie ! C'est Je demande la parole. Je vous en prie. Je n'ai jamais entendu dire que M. Mornay, à ce moment-là président honoraire de la Cour de cassation, ait demandé à faire partie de la haute cour. Il y a quelque chose qui est exact. Quand il s'est agi de constituer la cour, songeant à l'expérience de Mornay, à l'aide que son intelligence et son talent pourraient nous apporter, c'est moi qui lui ai offert d'en faire partie. Il a accepté. Il est invraisemblable que l'on crée des rumeurs et qu'on s'en serve ensuite. J'ai en effet reçu une lettre de Monsieur le Président Carus. À ce moment, je me disais, l'organisation d'une Cour suprême de justice répond peut-être aux vœux que de toutes parts nous entendons formuler dans les campagnes, dans les faubourgs. Quel était le cri qui sortait de toutes les poitrines? Nous avons été trahis. Nous sommes trahis. Et je me disais, s'il s'agit de poursuivre ceux qui sont responsables de ce qui ne peut s'expliquer que par une trahison, eh bien oui, j'en suis. Mais quand j'ai vu qu'on voulait faire proclamer la responsabilité de la France, comment me serait-il venu à l'esprit d'accepter une offre qui m'aurait été faite de participer à une telle besogne? J'y serais peut-être allé, et j'aurais été le lendemain dans un camp de concentration, si je n'avais pas été le surlendemain en Allemagne, parce que j'ai quelquefois le verbe trop vif. Sachant la besogne que l'on faisait aux magistrats de la cour de Rion, l'injure de leur demander d'accomplir, je n'aurais pu m'empêcher de protester du ton dont je proteste ici. Et je ne vois pas ce qu'il serait advenu pour moi. Et voilà ce que j'avais à dire. Je suis sûr d'une chose, monsieur le procureur général. C'est qu'en ces matières, vous n'auriez pas fait ni plus, ni mieux que nous. L'incident est clos. L'audience est suspendue. Juillet 1945, septième audience du procès, suite de l'audition des témoins à charge. Le maréchal Pétain garde toujours le silence. On écoute la déposition d'Édouard Herriot, ancien président de la Chambre des députés, qui fait un nouvel historique de la prise du pouvoir par Pétain. Il conclut par cette formule : Pétain avait cette légende, j'ai fait mon possible pour y croire, j'ai renoncé à y croire. Suit un bref échange. Une fois de plus, je demande au maréchal s'il a quelque observation à formuler après la déposition de Monsieur le Président Herriot. C'est la période où il n'entend pas, mais je suis obligé de poser la question. Vous savez bien que ce n'est pas une question de surdité ou de non-surdité si le maréchal ne répond pas. Il vous a dit à la première audience que c'était pour une question de principe. Il ne faut pas maintenant évoquer sa surdité. Entre dans la salle le commandant Louis Loustono-Lacco, 51 ans, déporté politique à Mauthausen. Presque squelettique, il s'appuie sur une canne et demande à s'asseoir. Il vient affirmer que Pétain n'a jamais fait partie de la cagoule. Puis il va poursuivre sa déposition longuement en brossant un portrait répugnant de Laval. Il expose qu'il a à cette époque éprouvé l'idée que le Parti communiste désorganisait le pays et l'armée. Et il tient à protester contre la qualification de conspirateur qu'on lui a attribuée dans la presse. Il faudrait demander au maréchal s'il a fait quelque chose pour sauver son ancien officier d'état-major. Monsieur le bâtonnier, croyez-vous pouvoir faire l'intermédiaire de votre client? Oui, mais je crois pouvoir traduire tout de suite la réponse. Le maréchal ne répondra pas plus à cela pour reste. C'est vraisemblable, mais si vous voulez bien le demander quand même... Le bâtonnier s'approche du maréchal, lui parle à l'oreille et l'écoute. Qu'avez-vous fait pour sauver le commandant Loustono-Lacco? Je ne connais pas ces histoires. Il ne connaît pas ces histoires-là. Louis Loustonolaco pâlit. Toutefois, avant de se retirer, il fait une déclaration qui va servir la défense. Je ne dois rien au maréchal Pétain. Mais cela ne m'empêche pas d'être écœuré par le spectacle de ceux qui, dans cette salle, essaient de refiler un vieillard presque centenaire l'ardoise de toutes leurs erreurs. Je veux dire que bien qu'il m'ait odieusement lâché, je demande qu'ici on réfléchisse, qu'il y a assez pour le malheur de la France, du sang de Marie-Antoinette et de celui du maréchal Ney. Pas de questions ? La cour vous remercie. Nous allons entendre le témoin suivant. Madame Psychari Renan. Une dame s'avance vers la barre. Elle décline son identité et prête serment. Madame Psychari Renan, femme de lettres, 61 ans. Je vous ai demandé d'être entendue, mais ce n'est pas en mon nom personnel que je dépose. Je dépose au nom des 11 000 mères qui ont perdu leur enfant, comme moi, en Afrique du Nord. J'avais un fils qui était enseigne de vaisseau. Il avait 25 ans. Ce garçon-là avait choisi, avec des affres qu'il m'a confiées avant sa mort, d'obéir au gouvernement qui représentait pour lui le gouvernement de la France. Il avait eu pendant 8 jours, comme tous les marins, entre l'armistice et quelques jours après l'armistice, la certitude qu'il allait se rallier à la France libre. Mais le 10e jour, il est arrivé un ordre de leur chef qui leur a dit qu'il ne fallait plus y penser. Mon fils a obéi. Il n'avait peut-être que cet unique défaut. Il obéissait. Il obéissait jusqu'à la mort. Mon fils détestait les Allemands. Il a préféré ne pas venir en permission dans Paris occupé, de peur d'avoir à saluer des officiers allemands. Il rejoignit son poste à Oran. Il était à bord du sous-marin l'Argonaute. Le 8 novembre 1942, il vit le débarquement américain. Je gardais un espoir extraordinaire, car je me disais, l'Argonaute, comme tous les sous-marins, est forcément désarmé en convention d'armistice. L'Argonaute n'était pas désarmé. L'Argonaute est sorti du port à 2h du matin après qu'on eût cherché tous les officiers qui couchaient à terre. L'Argonaute était un petit sous-marin de 600 tonnes et la plupart des officiers couchaient en ville. C'était le cas de mon fils. Il rallia le port sur ordre du commandant et partit dans la bataille, dans l'immense bataille dont l'amiral avait donné l'ordre. Donc, l'amiral a donné l'ordre à ces jeunes gens d'aller à la mort, le sachant. Sachant que le port d'Oran était une souricière, sachant que les Américains avaient déjà débarqué à Harzeur et aux Andalouses, qui bordent à l'ouest et à l'est la baie d'Oran, parce qu'il avait reçu l'ordre du maréchal Pétain de résister. Voilà pourquoi nos enfants sont morts. Ils sont morts. J'ai honte et j'ai peine à le dire. Au service de l'Allemagne. J'ai 2 autres fils qui sont des héros de la résistance. L'un s'est rallié à De Gaulle le 18 juin à 4h de l'après-midi. L'autre est entré dans la résistance à 17 ans, en décembre 1940. Ils ont risqué leur vie pour la France. Je ne dis rien sur la France qui me les a pris. Je les aurais donnés. J'aurais courbé le front comme les autres. Mes frères sont tous morts à la guerre. J'ai élevé mes fils pour la France. Que la France me les reprenne, je veux bien. Mais l'Allemagne, non. Je mets en fait qu'un chef de gouvernement qui a donné l'ordre que 11 000 jeunes meurent au service de l'Allemagne. Je mets en fait que ce chef de gouvernement n'est pas un bon Français. Madame Psicari-Renan a terminé sa déposition. Un grand silence envahit la salle. La défense ne pose aucune question. Le président fait entrer le premier témoin cité par la défense. Il va terminer l'audience. Marc Bogner, pasteur de l'Église réformée, président de la Fédération protestante de France, 64 ans. Messieurs, je voudrais aborder devant vous la question des lois raciales. Je touche ici à des sujets singulièrement douloureux. On me permettra, je pense, de dire pourquoi, sur cette question, j'ai cru à maintes reprises devoir entretenir le maréchal Pétain ou lui écrire. Chaque fois que je lui ai parlé des horreurs que nous connaissions, dont j'avais été témoin moi-même dans certains camps dont s'occupait la CIMAD de Gurs, triste mémoire, le maréchal Pétain a montré une visible émotion. Il était convaincu, il ne me l'a pas caché, que la loi de l'automne 40 entraînait d'immenses souffrances et de graves injustices. Mais il était convaincu, semblait-il, que ces injustices ne pourraient se réparer qu'après la paix. Quand tout ce décan serait mort. Laissez le pasteur Bogner poursuivre sa déposition. Par la suite, j'ai eu à intervenir d'une manière plus forte encore lorsque, après le déchaînement de persécutions et d'horreurs à Paris, et en particulier au Vélodrome d'hiver, la persécution des non-ariens s'est étendue à la zone sud dès le mois d'août 1942. Le 26 juin 1942, j'ai été reçu à nouveau par le maréchal. Je lui parle des persécutions qui redoublent d'intensité. À nouveau, j'eus le sentiment que Pétain était ému par ce que je lui racontais, mais une fois de plus, je dois le dire, j'ai eu l'impression d'une impuissance à prévenir, à empêcher de grands maux que, dans son fort intérieur, il appelait par leur nom et condamnait. J'ai écrit à nouveau au maréchal Pétain quelques semaines plus tard, quand, à la gare de Vénissieux, près de Lyon, pendant toute une nuit, le père Chaillet, directeur de témoignages chrétiens, et Madeleine Barrault, directrice de la CIMAD, luttèrent pour arracher à la police les malheureux que celle-ci était bien contrainte, étant donné les ordres qu'elle avait reçus, de faire monter dans les wagons à bestiaux, que vous savez. Et ils réussirent à prendre des enfants, et sous la protection du cardinal Gerlier, à les sauver du départ en Allemagne, où l'on me racontait à Vichy qu'ils ne seraient pas séparés de leur famille, et que d'ailleurs tous ceux qu'on emmenait feraient à loisir de l'agriculture en Pologne. Je suis venu lui parler de la livraison des prisonniers politiques réfugiés sur le territoire français. pense que tous ceux qui sont ici avaient éprouvé le même sentiment de honte à la lecture de la clause de convention d'armistice par laquelle le gouvernement français s'engageait à répondre à certaines demandes de l'Allemagne touchant la livraison de leurs ressortissants qualifiés de responsables de la guerre. Enfin, je suis venu lui parler de la relève, c'est-à-dire la déportation de nos jeunes travailleurs qui a causé la plus vive émotion dans nos églises. Et, de même, qu'un grand nombre de nos pasteurs avaient transformé leur presbytère et beaucoup de maisons de leurs paroissiens en lieu de refuge pour les juifs traqués et pour les jeunes gens menacés d'être envoyés en déportation. Je dis donc au maréchal notre émotion, notre angoisse, notre indignation au lendemain de la fameuse déclaration du 22 juin 1942. Il m'écouta comme toujours avec la plus grande courtoisie et la plus grande attention, mais il se montra réservé. Il me fit remarquer que l'heure était grave et ajouta qu'au surplus, Pierre Laval avait reçu des assurances, d'après quoi il ne saurait procéder à aucune réquisition. Je quittais donc Vichy sans avoir obtenu ce jour-là ce que j'espérais. Une dernière fois, je retournais le voir en avril 1943, quand il fut question de la déportation des jeunes filles. Il me répondit qu'en aucun cas le gouvernement accepterait une telle mesure. Quels sont, Monsieur le Président, exposés aussi objectivement que possible, les réactions que le maréchal Pétain a eues aux démarches que j'ai été obligé de faire auprès de lui au nom des Églises de France. D'après la déposition de Marc Wegner, témoin pourtant cité par la Défense, Pétain est chaque fois désolé des conséquences de sa politique, mais n'agit pas. Le chef des Églises protestantes a terminé sa déposition dans un grand silence. Monsieur le pasteur, nous vous remercions. Des questions? La Défense, non? Non? Bien, l'audience est levée. C'était le procès Pétain, extrait choisi par Dominique Missica, quatrième émission. Le président Mongibaud, Gabriel Ledoz. Le procureur général Mornay, Jean Bollery. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Leudenbach. Maître Isorni, Laurent Cléry. Louis Loustonolaco, François Gamard. Le président Caous, Pierre Constant. Madame Tsikari Renan, Sarah Chaumette. Marc Bogner, Jean-Claude Sachaud. Un juré, Thibault Lacour. Un juré, Guy Lamarck. Narration, Hélène Losseur. Bruitage, Sophie Bissans. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès.